Animal, tu bugs dans les chiottes. Cannibal, tu bugs dans les chiottes. Game shot, tu bugs dans les chiottes. Capture. Dans les chiottes, place faite, faite dans les chiottes.